Qu'est-ce qu'on vient faire ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est sur la terre, donc? Ma mère, quand j'étais jeune, avait un petit catéchisme à la maison. Il y en a-tu qui ont encore ça, un petit catéchisme gris? Hey, c'est beau ça. Et une des premières questions, c'était, quel est le premier objectif de l'être humain sur la terre? Et c'était, on est ici pour connaître, aimer et servir Dieu. Ma mère répond déjà. On est sur la terre pour connaître Dieu, ce roi majestueux qu'on vient de chanter, pour l'aimer, pour le servir. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, des créatures créées qui sont à l'image de Dieu, à l'image de son Créateur. Puis l'objectif de tout ça, c'est qu'on puisse communier avec lui. C'est qu'on puisse jouir de sa présence. C'est qu'on puisse prendre plaisir en Dieu. John Piper, si vous connaissez un peu cet écrivain-là, c'est sa phrase clé. Prendre plaisir en Dieu et on est là pour célébrer sa gloire. Ça, c'est pourquoi on est ici. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. On veut célébrer Dieu. On veut apprendre à le connaître. On veut apprendre à être équipé pour mieux le servir. Le problème, c'est que dès le jardin d'Éden, nos premiers parents ont connu bien qu'ils étaient tellement près de Dieu. Dieu marchait avec eux dans le jardin. Ils étaient si près. Mais dès le jardin, eux qui étaient si près de Dieu, ont été séparés. Ils ont été séparés de cette communion intime avec Dieu. Le péché qu'ils ont choisi de prendre est venu briser leur relation de l'homme envers son Créateur. Et ainsi, des hommes entre eux, les hommes, les humains entre eux. Le péché est venu briser cette relation-là. Et depuis ce temps-là, on sent une séparation de cette communion parfaite qu'on a soif d'avoir avec Dieu. On peut être proche et en même temps loin de Dieu. Proche de lui, puis en même temps détaché de lui. C'est comme dans un couple. Mari et femme, des fois, peuvent être si près l'un de l'autre, puis en même temps, à des années-lumière l'un de l'autre, dans leur communion, dans leur relation l'un avec l'autre. On peut être à la fois si proche et si loin. Parce que le péché, c'est ce que ça fait, ça divise, ça sépare, ça l'éloigne et ça conduit ultimement à la mort. Heureusement, notre Bible ne termine pas avec Genèse chapitre 3, puis le péché dans le jardin d'Éden. Mais même dans Genèse chapitre 3, on voit que Dieu n'abandonne pas l'homme. Dieu a un magnifique plan pour l'homme pécheur. Il désire restaurer cette communion-là avec les pécheurs. Et c'est lui qui va prendre les devants avec Adam et Ève. C'est lui qui va sortir dans le jardin et va dire, « Adam, où est-ce que tu es? Où es-tu? » Parce que le Père, lui, a encore plus soif que nous. Il a soif de recevoir avec joie, de restaurer avec joie les pécheurs repentants. Et ce qu'on a regardé la dernière fois dans Luc au chapitre 15, cette parabole qu'on parle de l'enfant prodigue, mais vous allez voir ce matin, on en manque la moitié si on parle juste de la parabole de l'enfant prodigue, parce qu'il y en avait deux enfants, puis on va parler du deuxième aujourd'hui. Mais le Père reçoit, recherche et restaure les pécheurs repentants. Et dans Luc chapitre 15, il y a une phrase qui revient à chacune des trois paraboles, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, parce que la communion est rétablie. Et dans notre parabole qu'on a vue le mois dernier, dans Luc 15, la parabole du fils prodigue, on a vu cette repentance et cette restauration du fils qui était à la fois éloigné et à la fois perdu. On a vu à ce moment-là comment le Père qui est à l'image de notre Père céleste avait été respectueux du choix de son fils rebelle. Il avait été accueillant Il avait été gracieux envers son fils perdu. Il lui avait manifesté toute sa bonté, toute sa sagesse, sa patience, sa compassion, sa protection, son pardon. Mais son cœur était particulièrement heureux de retrouver son fils perdu dans le but de restaurer une pleine communion avec lui. Si on avait commencé à lire le contexte de cette parabole du fils prodigue, ça commence dans les deux premiers versets du chapitre 15. C'est ça qui a initié le fait que Jésus a parlé des paraboles. Et ça a commencé en disant, les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Il y avait deux groupes de personnes dans ça. Et la parabole du fils prodigue va toucher ces deux groupes de personnes. Premièrement, les collecteurs d'impôts et les pécheurs qui étaient attirés par Jésus, puis Jésus allait vers eux. Et il y avait aussi les scribes et les pharisiens qui, eux, n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas ça voir Jésus se mélanger avec les pécheurs puis les accueillir, même aller jusqu'à manger avec eux autres. C'était-tu terrible un peu? Jésus qui allait manger avec des gens de mauvaise réputation, des pécheurs connus. Alors Jésus a commencé avec deux paraboles. La parabole de la brebis perdue. Pour dire, regarde, Dieu se met en peine pour les perdus. Il est prêt à laisser les 99 qui se pensent justes, puis il va être prêt à courir après la seule qui est perdue. Il ne dit pas une de perdue, deux de trouvée, là. Il dit, elle est perdue! Faut que j'aille la chercher! Il est prêt à laisser les 99 qui pensent qu'ils sont bien corrects, puis je vais aller chercher celle qui est perdue. Et il y a de la joie après de la ramener dans la restauration. Après ça, il donne l'image de la drachme, de la pièce de monnaie que la madame a perdue. Elle est prête à faire le grand ménage du printemps puis de l'automne, les deux en même temps, pour être capable de retrouver sa pièce. Puis quand elle retrouve sa petite pièce perdue, savez-vous quoi? Elle fait un gros party qui va lui coûter trois fois plus cher que la pièce qu'elle vient de retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie à retrouver qu'est-ce qui était perdu. Et troisièmement, là, il y a la parabole de notre fils prodigue. Et là, ça va toucher les deux personnes. Évidemment, le prodigue, il était clair, lui. C'est celui qui était perdu. C'est celui qui s'est éloigné. Et le père va avoir de la joie à le retrouver. La parabole présente deux fils qui représentent deux groupes de personnes. Évidemment, le prodigue représente les gens de mauvaise vie que le Seigneur fréquentait puis que le Père désirait voir se convertir et revenir à lui. Et pour le Père, il y a de la joie dans le ciel. Pour la brebis perdue qui revient, pour la drachme retrouvée, comme pour le fils perdu qui est retrouvé. Mais cette troisième parabole, elle termine avec une invitation. Jésus, dans cette dernière parabole, il invite justement ces pharisiens, ces scribes. Et, elle est pour eux. L'aîné représente les scribes et les pharisiens qui critiquaient l'attitude de Jésus envers les pécheurs notoires et qui ont amené Jésus, bien entendu, à donner cette parabole. Les scribes, voyez-vous, et les pharisiens, les spécialistes de la loi, les scribes, étaient des personnes religieuses, des bonnes personnes dans la société. C'est des personnes qui étaient très morales, c'est des personnes qui étaient très moralisantes. Et dans leur fonction même, ils étaient près de Dieu. Mais dans leur cœur, ils étaient éloignés de lui à des années-lumière. Ils étaient, les scribes et les pharisiens, à la fois si proches et si loin. Parce que voyez-vous, comme on dit dans notre langue, l'habit ne fait pas le moine. On peut revêtir l'habit de moine, Mais on peut, tout en revêtant cet habit de moine, vivre sans idéal, vivre sans relation avec, de foi et de communion avec Dieu. Je lisais un petit pamphlet une fois, ou même, je pense, c'est un petit livre de Joseph Tremblay. C'est un prêtre catholique. Et en fait, mon oncle le connaissait. Je pense que ma mère a été déjà à leur église locale à un moment donné. Mais il a écrit un livre qui s'appelle « Prêtre, mais inconnu de Dieu ». Il pouvait être en fonction, très près, mais dans son cœur, il savait qu'il était inconnu de Dieu. Les religieux juifs devaient manifester à travers leur relation avec Dieu la pratique du caractère de Dieu. Et nous aussi, en tant que croyants, on ne doit pas simplement manifester de façon extérieure notre foi, mais la pratique de notre foi doit manifester une relation avec Jésus-Christ. Alors ce matin, à travers cette parabole, je dirais, du fils aîné, on a vu ce fils prodigue qui a tout dépensé, mais le fils aîné, je vous invite, et je pense que la parole de Dieu nous invite à évaluer mon cœur, évaluer la distance de nos cœurs par rapport à celui du Père, par rapport à son caractère. Évaluer notre passion pour ceux qui sont éloignés du Père. Alors, on va lire. Et avant de lire, on va demander à Dieu sa grâce pour non seulement s'approprier le texte, mais goûter à ce que Dieu voudrait nous communiquer. Oh Seigneur Dieu, encore une fois, merci pour l'opportunité que nous avons d'ouvrir ta parole. Et Seigneur, donne-nous des oreilles qui vont l'entendre. Ta parole, Seigneur, est celle qui peut nous sanctifier. Alors, Seigneur, que ta parole ait libre accès dans nos cœurs, que ma bouche puisse la proclamer avec joie et avec force, que ton esprit, Seigneur, puisse être puissamment à l'œuvre parmi les gens ici. Pour ta gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, lisons le texte de Luc au chapitre 15, des versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Oh, quel beau passage! Ce matin, je vous invite à évaluer nos cœurs. Je vous invite et je m'invite à évaluer mon cœur, nos cœurs, vos cœurs, avec le cœur du Père. Le comparer dans nos attitudes. Évaluer nos cœurs. Et prier dans notre cœur qu'on ait un cœur qui ressemble au sien, qui ressemble au Seigneur, à travers la parabole du fils aîné. La première attitude que j'ai besoin d'évaluer dans mon cœur, l'indifférence ou la compassion. Un cœur près de Dieu va manifester de la compassion pour les perdus, plutôt que l'indifférence. Et dans le texte, plutôt que l'indifférence de l'aîné pour son frère pécheur, notre Père du ciel recherche que nous manifestions la compassion envers les pécheurs. Et en réalité, que nous partions à leur recherche pour les ramener au Père. Alors, je vais me poser la question. Dans quelle direction est-ce que mon cœur marche? Est-ce qu'il marche pour être indifférent de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui s'égarent? Ou est-ce que mon cœur est constamment attiré vers ceux qui ont besoin de communier avec Dieu, d'être en relation avec Dieu? Et quand on regarde le fils aîné, on n'y voit que de l'indifférence. Oh, le fils aîné, comme vous avez vu, il est très moral, il est très responsable. Lui, il est resté à la maison pendant que le plus jeune est parti dépenser toutes ses affaires. Il était responsable. Il a conservé une bonne réputation dans le village. Je restais avec toi, papa, puis je n'ai pas désobéi à tes ordres. Il est, en fait, tout près du père. Mais est-ce que le fils aîné est en bonne relation avec le père? Le texte nous montre qu'on en doute beaucoup. Il est tout près du Père, mais il n'est pas en bonne relation avec lui. Et le jour du retour de son frère, ben, le frère était à sa job, il était au travail, il était responsable, il était moral, il était dans les champs en train de travailler. Mais quand il commence à revenir à la maison, le party à la maison, ça l'inquiète. Ça vous inquiète-tu, vous autres, quand vous allez en quelque part, puis qu'il y a de la joie qui se promène en quelque part, qu'il y a de l'effervescent, ça vous attire-tu ou ça vous répugne? Il me semble que ça nous attire. Mais lui, il sent qu'il y a quelque chose, il y a une arnaque là-dedans. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a du fun à la maison de mon père. Alors, il part à courir, puis il rentre dans la maison, puis vous pouvez me dire ce qui se passe? C'est ça qu'il fait? Non, non. Il appelle un serviteur, puis il dit, « Tu veux m'expliquer qu'est-ce qui se passe à la maison? » Et là, le serviteur est tout content. « Hey, sais-tu quoi? Ton frère est revenu! » Puis ton père était tellement content, il a tiré le party. Il a pris le veau qu'on engraisse pour les grandes circonstances. C'est le champagne qu'on garde 25 ans pour l'ouvrir une fois de temps en temps là, pour les grandes circonstances. C'est ça qu'il a pris. Il a pris ce veau engraissé là, puis il a fait le party avec. Hey, le frère aîné, es-tu content un peu? Il rentre dans la maison, puis il se réjouit, c'est tout ça? Même pas. Il pique une crise. Il se met en colère. La joie puis la célébration d'entendre que son frère est revenu, ça ne lui fait pas plaisir. C'est la colère qui envahit son cœur à l'annonce du retour du fils prodigue. Et il refuse de se joindre à la fête. Il n'entre pas pour montrer sa désapprobation. Ce n'est pas correct. Pour montrer son refus de s'associer au pécheur. Il ne veut pas toucher au pécheur. Ce gars-là, là, il s'est sali les mains, là. Et puis, vous avez vu dans la discussion, quand il parle, est-ce qu'il dit « mon frère qui est parti » Qu'est-ce qu'il dit à son père? « Ton fils », même pas « mon frère ». Il veut se dissocier complètement du pécheur que son frère est. Il préfère bouder dehors, il préfère se priver de la relation avec son père plutôt que d'apprécier la bonté de son père, d'apprécier la compassion de son père pour les pécheurs. Il est insatisfait. Il est jaloux de l'amour du père pour le prodigue, le fils aîné, et il se retire. Indifférent à l'attitude de son père envers l'éloigné, le perdu. Et qu'est-ce que son père fait? Il est tellement compatissant. Il sort. Il le prie d'entrer. Le texte dans Second 21 dit, il le supplia d'entrer. On a mis la poussée, la traduit un peu fort, mais il le priait. Envoye donc, rentre, ton frère est là. Il faut bien se réjouir, il est revenu. Le père est dans la joie pour le retour de son fils, mais au milieu du party dans la maison, sa joie, elle est interrompue par la nouvelle. Que là, c'est l'aîné qui n'est pas là. C'est l'aîné qui est dehors. C'est l'aîné qui n'a aucun désir de communion, ni avec lui, ni avec son frère. Et qu'est-ce que le père fait? Tant mieux pour lui. Il reste dehors. On va avoir du fun, nous autres, ici. On va manger, on va se réjouir avec le fils aîné. C'est ça qu'il fait? Non. Il laisse le party. Il sort. Puis il va voir l'autre. C'est encore lui qui fait les premiers pas. C'est encore lui qui s'humilie pour aller voir son fils aîné. Il va personnellement à sa rencontre. Il n'envoie pas un serviteur. Va lui dire qu'il manque quelque chose, qu'il devrait rentrer. Non, il va lui-même. Il sort. Il va le voir. Il le supplie d'entrer. Il le demande de se joindre à la fête. Parce que le père aime le fils cadet de la même manière qu'il aime le fils aîné. Et le père, il désire passionnément qu'ils vivent ensemble, père et les deux fils, dans une communion intime avec le père. Et le père, il désire célébrer les victoires plutôt que garder rancune des échecs de ses fils. Mais le fils aîné ne partage pas les sentiments de son père. Oh, le fils aîné est à la fois si proche et à la fois si loin du cœur de son père. C'est malheureux pour l'aîné. Ma question ce matin, comment est ma compassion pour ceux qui sont éloignés du père? Est-ce que j'ai ce même désir, des fois, de sortir de mon confort, de sortir de mon party pour aller voir celui qui marche dans la mauvaise direction, qui est perdu? Est-ce que j'ai cette compassion pour le pécheur égaré ou même le croyant éloigné? Est-ce que je suis indifférent à sa situation, au fait qu'il n'est pas en relation avec le Père Céleste? Ou est-ce que je réponds envers cette personne, « Mais je te l'avais dit, si tu faisais ça, tu irais tout croche. Ben, maintenant, récolte ce que tu as semé. Bien bon pour toi, tu récoltes ce que tu as semé. » Est-ce que c'est mon attitude? Ça, c'est l'attitude de l'aîné. Ou est-ce que je suis prêt à faire des pas supplémentaires pour aller le voir? Un cœur près de Dieu est un cœur marqué qui grandit de plus en plus dans la compassion plutôt que l'indifférence envers ceux qui ne le connaissent pas. Une autre caractéristique de l'attitude du Père. Un cœur près de Dieu est un cœur qui va être centré sur Dieu, sur ce que Dieu recherche. Un cœur loin du Père est un cœur qui est centré sur prendre sa valeur en soi. Théocentrique, centré vers Dieu. Alors, plutôt que notre fils aîné, plutôt que de trouver notre valeur, sa valeur en se confiant dans ses mérites personnels, le Père plutôt aimerait que nous recherchions, que nous trouvions notre valeur dans sa bonté à notre égard, plutôt que de trouver notre valeur dans nos mérites personnels. Vous voyez, quand le Père questionne le Fils, « Entre donc, viens donc », le Fils commence à proclamer sa propre justice. L'aîné, il pense que ses œuvres. Tu sais, papa, toutes les années de service que je t'ai données, ça devrait compter, ça. Tu sais, j'ai tellement travaillé pour toi. Il croit que ses œuvres, il croit que sa moralité. Papa, tu sais bien que j'ai jamais transgressé tes ordres. jamais, tu ne m'as jamais pris. Jamais, j'ai transgressé. Je suis moral. Et ça devrait compter pour toi. J'ai jamais transgressé tes ordres. J'ai toujours servi. Et le mot servir ici, il y a bien des verbes en grec pour exprimer la notion de servir. Vous avez les diacres, par exemple, c'est des serviteurs, diakoneo en grec. Mais il y a des esclaves aussi qui servent. Et ça, c'est des doulos, douléo. Et c'est ce que le fils dit. Ah, lui, il est fils. Puis il dit, papa, j'ai été ton esclave toutes ces années-là. Tout ce service, cette soumission servile, je suis bon. Et cette bonté-là devrait acheter ton amour. il proclame sa propre justice. Et en proclamant sa propre justice, il dénigre son frère en refusant de se placer au même rang que lui. Comme j'ai dit tantôt, il ne dit pas mon frère, là. Non, ton fils. Moi, je ne suis pas là, là. Moi, je suis ici. Ton fils qui a dépensé tout son argent avec les prostituées, ce fils qui est irresponsable, qui est immoral, ce fils-là, il ne mérite pas ton affection. Mais moi, je la mérite. J'étais avec toi toutes ces années. Je ne t'ai jamais désobéi. J'ai été ton esclave tout le temps. Tu dois m'aimer. Il n'a pas plus de respect et d'amour pour son père que pour son frère cadet. Il a du ressentiment contre son frère. Il t'a lâché. Il a dépensé son héritage. Il est parti. Et il a du doute concernant l'impartialité de son père. Tu ne m'aimes pas comme mon frère. Je suis meilleur que mon frère. Tu devrais m'aimer pour ce que j'ai fait, pour ce que je vaux. Comment le Père va répondre? Il va montrer encore et encore sa bonté envers le Fils. Comment est-ce qu'il l'appelle? Mon enfant. Il n'est pas pris en panique ou en rébellion ou en attaque. Technon, mon petit gars, mon enfant. Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, je pourrais le partager avec toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi aussi. La bonté du Père se manifeste dans son expression de sa présence, son amour, sa communion sont toujours disponibles. Et la proximité de l'aîné avec son Père rend la relation facile. Mais le Père ne la force pas. Cette relation-là. Le Père garde la porte ouverte, comme il l'a fait pour le fils prodigue. La porte reste ouverte. Mais on entre dans cette porte-là par grâce. Parce que la relation avec le Père, elle est basée sur son amour envers nous, sur son amour inconditionnel du Père, plutôt que sur nos mérites ou les mérites du fils aîné. Et ça m'amène à nous poser une question absolument fondamentale. Sur quelle base pensons-nous entrer dans le royaume céleste de Dieu? Si on avait posé la question, pourquoi Dieu te laisserait-il entrer dans mon ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? Ben moi, j'ai fait une bonne vie. Moi, j'ai aimé mon prochain comme moi-même. Je me fais de prison. Je suis une bonne personne, je suis un citoyen respectable et respecté. Je prie, je vais à l'église, je lis ma Bible tous les jours. Je. Alors Dieu n'a pas le choix. Il faut bien qu'il m'accueille. Est-ce que c'est sur cette base-là? Je chantais dans mon cœur ce matin, « Majesté ». Et il y a une partie de ce chant-là qui dit, je me suis maintenant, tu regardes à moi sans valeur, mais pour toi, perle de prix, c'est ça. C'était dans mon cœur ce matin. Sans valeur, la valeur ne se trouve pas en moi, mais pour toi, moi je suis une perle de prix. Formidable. Et on s'approche de Dieu sur cette base-là. C'est pour ça qu'on prie, oh non. De Jésus-Christ. Le christianisme est basé sur une relation personnelle avec le Père, plutôt que sur des rites extérieurs de la religion. Le christianisme, c'est accueillir le don du Père qui descend du ciel, plutôt que d'essayer de grimper vers le ciel par nos rites. Le vrai christianisme est une question de relation, plutôt que de religion. Ce n'est pas une question d'étiquette. Dans quelle religion es-tu entré? Mais as-tu un changement de cœur qui est arrivé? Est-ce que tu vis une relation de cœur personnelle avec Jésus? Vous savez, Jésus disait dans le sermon sur la montagne, à la fin, il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ils ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu. » Parce qu'il y en a qui vont venir et vont dire, « Hey, Seigneur, j'ai fait plein d'affaires. » Puis qu'est-ce qu'il va dire? « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » T'en as-tu fait des affaires? Oh, certain. Mais on ne s'est pas connu. On n'a pas eu de relation l'un envers l'autre. Tu étais dans une religion, puis moi, je cherchais une relation avec toi. Lorsque la bonté de notre Dieu, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est selon sa miséricorde que l'on entre dans la relation avec le Père, et qu'ainsi nous entrons dans le royaume céleste du Père. Troisième attitude que le Père recherche en nous. Est-ce que j'ai un cœur qui est ingrat ou est-ce que j'ai un cœur qui est reconnaissant? Et alors Dieu recherche que plutôt qu'on se plaigne de nos misères, le Seigneur recherche que nous trouvions notre joie en lui, que nous célébrions sa grâce. Et comme j'ai dit tantôt, Dieu aimerait que l'on prenne notre temps à célébrer les victoires plutôt que toujours rappeler les échecs. Il nous appelle à compter nos bienfaits plutôt que de se plaindre de nos manques. Il voudrait qu'on exprime la gratitude et notre Fils aîné, il manifeste l'ingratitude. Le Fils ne trouvait pas sa joie d'être avec son Père. Il a voulu rester dehors, puis son Père il a dit, « Entre, réjouis-toi avec nous. » Lui, il a voulu rester dehors, puis il a accusé son Père. Il a dit, « Jamais tu étais prêt à me laisser un chevreau pour que j'y aille faire la fête avec ses amis, avec son père. Non, ça ne m'intéressait pas. Je voulais aller avec mes amis. C'est-tu bien différent du fils prodigue? Pas la même chose. Sauf qu'il restait proche. Il avait l'air. Il avait la bonne apparence. Jamais tu m'as laissé prendre un chevreau. Chevreau, c'était une petite brebis qui ne valait pas grand-chose comparé au veau gras. Engraissé spécialement pour les grandes fêtes. Non, ingratitude. L'aîné a trouvé son père cheap. Il a trouvé son père injuste. Parce que tu ne m'as jamais donné un chevreau, puis tu étais prêt à donner le veau gras. Tu étais prêt à tuer le veau gras pour ton fils qui s'est éloigné. Quelle est l'attitude du père? Il faut être reconnaissant, mon fils. Mon enfant, ce n'est pas juste le chevreau que tu peux apprendre. Tu peux prendre la ferme au complet. Parce que tout ce que j'ai est à ta disposition. Toutes les ressources du Père sont à la disposition du Fils. Mais il n'a pas voulu s'y approprier à travers une relation avec son Père. Il était près du Père, mais pas intéressé au Père. Être prêt, mais pas intéressé. Et son père de dire, ben, il fallait bien s'égayer, il fallait bien se réjouir. Le Père, comme le Père céleste, recherche la célébration de notre relation intime avec lui, plutôt qu'une simple obéissance extérieure et froide à ses commandements. J'aime le début de l'Épître aux Éphésiens. Le premier chapitre, c'est juste, Paul, il s'énerve. Il aime ça. Il y a juste une phrase dans tout le chapitre. Ah, nous sommes remplis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il dit, en lui nous avons ça, en lui nous avons ça, en lui nous avons ça. Tout le long du chapitre 1, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais à 3-4 reprises, il dit, pourquoi on a ça? Et il dit, afin nous sommes sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous sommes ici pour célébrer la gloire de sa grâce. Quand on se rencontre le dimanche matin, on est aussi pour ça. Célébrer la gloire de sa grâce à notre égard. Ça, le Seigneur, le Père, aime entendre ça de la part de ses enfants. Il fallait bien s'égayer. C'est pourquoi la parabole termine subitement. Finalement, le fils aîné, es-tu rentré? On sait-tu? Es-tu rentré, pensez-vous? Qui pense qu'il est rentré? Qui pense qu'il n'est pas rentré? Ah! La parabole ne le dit pas. Elle s'est convaincue, son fils aîné, d'entrer en relation avec le père et de se réjouir avec son frère. J'espère que le père a gagné. Mais le texte ne le dit pas. Le texte termine avec la porte ouverte. L'histoire du fils aîné n'est pas terminée. Parce que Dieu n'a pas terminé avec nous non plus. Parce que Dieu donne l'opportunité à chacun des auditeurs qui entendaient. Les scribes et les pharisiens, comme les pécheurs notoires, ils l'entendaient, puis ils ont dit, qu'est-ce que moi je vais décider? Est-ce que je vais encore me murmurer parce que Jésus il est intéressé aux pécheurs? Puis jamais de la vie je vais aller manger avec eux autres. Ou est-ce que je vais être influencé par son histoire? Le Père se réjouit quand un pécheur se repent et revient en sa communion. Parce qu'elle laisse, la parabole laisse l'opportunité à chaque auditeur de répondre à l'invitation. Les scribes, les pharisiens peuvent bouder, ils peuvent demeurer à l'extérieur avec leur propre justice, mais Jésus les appelle à changer d'attitude, à développer des sentiments qui ressemblent à ceux du Père envers les pécheurs notoires ou tout autre pécheur. Les scribes, les pharisiens peuvent aussi entrer et se réjouir avec le Père. Et le Père leur offre son amour plutôt que son jugement parce qu'il se réjouit des pécheurs repentants et leur prépare une fête. Ce matin, où est ton cœur face à celui du Seigneur? Parce que le Père, finalement, il y avait deux fils perdus. L'un était perdu loin de la maison paternelle, dans ses péchés qui étaient évidents, et l'autre était perdu tout près de la maison, dans sa propre justice. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont perdus sur les mêmes bases. Il y a des gens qui sont perdus, puis c'est évident qu'ils sont perdus. Ils ont pris le champ. Ils n'ont pas de valeur morale. C'est évident qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais savez-vous, il y en a d'autres personnes qui sont perdues. Mais ils n'ont pas l'air perdus. Ils ont l'apparence. Ils sont perdus tout près de la maison du Père. Et eux aussi, il faut les inviter. Parce que seul l'amour et la grâce de Dieu peut les recevoir, peut recevoir les pécheurs, peut les pardonner, peut les restaurer. Dieu appelle ce matin chaque individu à la conversion, si ce n'est pas arrivé encore. Dieu nous appelle à être sauvés. Dieu appelle tout cœur égaré à trouver son chemin dans le bon berger. Et ma question ce matin, est-ce que tu le connais, ce Père céleste? Est-ce que tu connais Jésus comme ton sauveur personnel? Sache que Jésus te cherche passionnément. Et Jésus désire entrer en relation avec toi. Et c'est pour ça qu'il a quitté le ciel. Il y avait tout un party là au ciel. Il ne perdait rien. Il y avait de la joie, la communion avec le Père. Mais il a décidé de laisser ça pour la joie de te voir entrer dans le royaume de Dieu. Il a souffert l'ignominie, la ville, et Dieu dit. Parce qu'il a soif de voir chaque personne entrer en relation avec le Père. Et ça, ça prend la conversion. Ça prend le fait de venir à Jésus et d'entrer dans sa famille. La parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche et dans ton cœur. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La parole, elle est près de toi. Elle est près de ta bouche. Tu as besoin de venir à lui. Et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous ce matin. que vous avez répondu à cet appel d'être converti. Et ça ne dépend pas si vous avez changé d'étiquette d'une religion à une autre. Ça dépend si le Seigneur a changé votre cœur. Et ça, ça vient quand on vient à lui. Et on dit, Seigneur, change mon cœur, j'ai besoin de toi, sauve-moi. Dieu nous appelle aussi à la communion. Si notre cœur est éloigné de lui, Dieu nous appelle à revenir, à communier avec lui, parce que la croissance dans la vie chrétienne, quand je grandis dans la vie chrétienne, c'est grandir dans l'intimité avec Jésus. Et quand l'intimité avec Jésus est réelle, elle se manifeste soudainement par le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand je suis en communion intime avec Dieu, le Saint-Esprit est en moi et il manifeste ce fruit-là. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, dit Jean. Et or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Dieu nous appelle à la communion. Dieu nous appelle à la compassion envers ceux qui ne le connaissent pas. Dieu nous appelle à avoir des cœurs brisés pour les pécheurs, plutôt que de l'indifférence. Dieu veut que nous trouvions notre valeur personnelle à regarder à notre monde avec les yeux du Seigneur, avec ses yeux remplis d'amour, ses yeux remplis de bonté, de compassion, de miséricorde. La Bible nous invite à plusieurs reprises de veiller sur la veuve et l'orphelin. C'est quoi ça, la veuve et l'orphelin? La veuve, elle n'a pas de soutien au premier siècle. Est-ce que j'ai un cœur pour ceux qui ne peuvent pas se soutenir, les pauvres? L'orphelin, celui qui a perdu sa famille. Le Québec, on reçoit des immigrants, des immigrés par centaines. Comment est-ce qu'on les considère? Dieu dit, j'ai un cœur pour la veuve et l'orphelin. J'ai un cœur pour le démuni. J'ai un cœur pour l'immigrant qui vient ici pour trouver de l'espoir, pour trouver une vie, pour trouver le Seigneur. Et on a besoin d'avoir un cœur compatissant. Dieu nous appelle à la compassion. Et Dieu nous appelle à la célébration. Il nous appelle à avoir un cœur joyeux, à célébrer sa grâce et sa gloire, à prendre plaisir en lui. Néhémie, dans une période difficile où le temple était détruit, revenait, il dit, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Vous connaissez ce petit chant-là? « La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. » La joie du Seigneur est ma force est dans la joie du Seigneur. Vous avez déjà entendu ce chant-là? Chantez-le! La joie du Seigneur, c'est votre force. Un cœur joyeux est un bon remède, dit le Proverbe 17:22. Comment est mon cœur ce matin? Comment est notre cœur ce matin? Prions. Seigneur Dieu, encore une fois ce matin, on s'approche de toi, puis merci pour cette parabole du fils aîné. Et Seigneur, comme mon cœur a le désir de te ressembler, je te prie pour chacun qui est ici ce matin, que nos cœurs puissent te ressembler, qu'on puisse s'approcher de toi. Seigneur, tu nous appelles. Seigneur, tu gardes la porte ouverte. Merci pour ta compassion, pour ta bonté. Seigneur, donne-nous dans ta grâce d'entrer dans ta communion, d'entrer de plus en plus intimement en relation avec toi. Et Seigneur, particulièrement, s'il y a une des personnes ce matin qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas ouvert la porte de leur cœur à ta présence, Seigneur, je te prie que tu puisses travailler dans leur cœur pour que simplement ils puissent venir à toi afin de te connaître, de t'aimer, de te servir. Te prions ces choses au précieux nom de Jésus. Amen.